L'équipe de Pôle Air 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant l'année 2019. Pôle Air 3 au 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5018 ou visitez lepôleair3.com. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien 418-679-4194. Ho, ho, ho! Ce n'est pas le Père Noël, mais bien Nicolas Martel, le maire des Desbiens. Au nom du Conseil de Ville de Desbiens, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes et une année 2020 remplie de bonheur et de moments inoubliables. Et pour vos moments extrêmes, pensez Ville de Desbiens. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. C'est la rétrospective de l'année de Jacques Doucet. On a fait celle avec Marc Griffin. Salut Jacques! Salut! Jacques, si on dit 2019 dans le monde du sport, qu'est-ce qui retient ton attention? Ouf! Dans le monde du sport? Dans le monde du baseball, excuse-moi. Dans le monde du baseball, là, je pense que ça a été un petit peu la déconfiture des Red Sox de Boston qui avaient gagné la Ligue mondiale la saison précédente. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que les Yankees rebondissent, peut-être pas de la façon qu'ils l'ont fait. Ils ont possiblement profité des malheurs des Red Sox de Boston qui, après avoir gagné au-delà de 100 matchs l'année passée, en ont gagné seulement 84. Et évidemment, j'ai été agréablement surpris de la percée des Twins du Minnesota. Ben ça, ils ont des jeunes. Il y avait des jeunes pareils. Hein? Puis ils jouent dans un marché quand même que c'est difficile. C'est quand même... on les couvre pas beaucoup, les Twins. On les voit pas beaucoup, là. Non, c'est ça. Et du côté de la Ligue nationale, ben, je pense que tout le monde se réjouissait de la percée des Braves d'Atlanta avec la famille du directeur gérant qui est là-bas. Mais l'émergence des Nationals qui ont gagné la Série mondiale, je pense que ça... il n'y en a pas beaucoup qui, au début de la saison, auraient prévu ça. Dave Martinez, ils ne sont pas en danger. Dave Martinez, ils ont mené au mois de juin. À la fin du mois de mai, tout le monde disait qu'il ne se rendrait pas au match des étoiles. Évidemment, dans la même lignée que les Red Sox de Boston, les Cubs de Chicago, qui n'ont gagné que 84 matchs également. Alors ça a été très décevant du côté des oursons. Et évidemment, tout le monde s'attendait à ce que les Dodgers gagnent haut la main dans la division Ouest, mais qu'ils ne se rendent pas en Série mondiale, ça a été une déception. Tu parles des Red Sox de Boston. Ça a prouvé quelque part que tu ne gagnes pas le championnat au mois d'avril, mais tu peux le perdre. Et les Red Sox ont mal commencé l'année. Et ça, entièrement d'accord. Tu sais, c'est là que ça prouve, ça donne le ton. Puis quand tu commences mal l'année, ben c'est difficile de revenir fort par après. Et si t'as pas de bons releveurs, surtout des releveurs de fin de match, c'est difficile d'accumuler les victoires parce que un comité de releveurs, eh bien, ça prend un président. Puis si t'as juste des adjoints, ben à un certain moment, tu manques de souffle. Ah oui, c'est sûr. Du côté des Red Sox, on va en parler en deuxième moitié, mais aussi, écoute, il y a eu des joueurs, tu sais, Mookie Betts n'a peut-être pas connu l'année qu'on avait anticipé. Ben oui, mais il n'est pas tout seul dans ce club-là. Tu sais, on n'avait pas de releveur, il y a des gros morceaux au niveau des lanceurs partants. Chris Sale a été blessé aussi. Qui? Chris Sale. Ah ben oui, mais ça, ouais. Je te dis, il y a des gros morceaux au niveau de des lanceurs qui n'ont pas été en mesure de fournir le rendement attendu non plus. Ouais. Alors, quand t'as pas de releveur numéro un, puis t'as des lanceurs partants numéro un, numéro deux qui ne répondent pas à ton appel, mais c'est difficile de cumuler les victoires. Ah ouais, c'est sûr. Du côté des Yankees, évidemment, ben c'était une année quand même très positif. Ils ont eu beaucoup de blessés aussi là, du côté des Yankees. Ah oui, ça a été fantastique de les voir continuer à accumuler des victoires, même si on avait des gros morceaux qui manquaient dans la formation tout au long de la saison. Sauf que ils ont manqué de souffle en fin de calendrier, puis on peut plus atteindre la Ligue mondiale. Oui. Les Braves d'Atlanta, tu as parlé des Braves, écoute, on était contents pour Alex Antopoulos. Il y a un Canadien, Mike Soroka, qui a fait tout un job. Mais George Donaldson, quel retour de George Donaldson? Oui, là, on se demande où il va aboutir, parce qu'apparemment, il y aurait trois ou quatre clubs qui seraient sur les rangs pour lui offrir un contrat d'au moins 4 ans. Moi, j'ai l'impression qu'il va soit rebondir à Atlanta ou qu'il va se retrouver avec les Nationals de Washington. Ben, la perte de Rendon fait en sorte que ça met de la pression probablement. Hein. On dit que c'est rendu la priorité des Nationals de signer George Donaldson. Est-ce que tu vois signer à long terme, par exemple? Est-ce que tu 4 ans. Ça va être 4 ans, je pense. Ben, peut-être 3 ans, une année d'option, mais là, dans le moment, apparemment, il y aurait 3 ou 4 équipes qui seraient qui serait prêt à consentir un contrat de 4 ans. Ouais. Alors, moi, je trouve ça un petit peu long, mais peut-être 3 ans et une année d'option, mais sauf que lui, il a le gros bout du bâton, là. Ben oui, c'est là fait la demande, hein? Ben... oui, monsieur. Parce que la demande. Parce que George Donaldson, écoute bien, dans le cas de Donaldson, moi, je ferais pas un contrat à long terme compte tenu de ses antécédents de blessures, mais à quelque part, c'est toujours là fait la demande. Les Blue Jays, comment t'as trouvé la saison? Moi, j'ai trouvé ça, la deuxième tranche calendrier a été excitante. Ouais. Je pense qu'avec l'entrée en matière des jeunes, là, au troisième but, à l'arrêt court, au deuxième, l'émergence des deux jeunes receveurs, au poste de voltigeur, je pense que le jeune Cubain Gurriel n'aurait pas été blessé, il aurait connu toute une saison. Malheureusement, il a été blessé. Ouais. Au poste de voltigeur de droite, je pense qu'ils sont bien nantis, mais je pense qu'ils ont besoin de renfort au poste de voltigeur de centre. Dans le cas d'Hernandez, moi, je le vois plutôt comme un frappeur de choix ou un quatrième voltigeur. Ouais, c'est on n'a pas véritablement un voltigeur de centre qui peut donner un certain apport offensif, mais qui est surtout un grand quelqu'un là, qui te donne une défensive quasi imperméable. On parlait qu'Yacel Puig. T'as-tu vu ça passer, que Yacel Puig intéressait les Blue Jays? Moi, ça m'aurait surpris. Ça me surprendrait. Hein? Si jamais on faisait ça, on pourrait le mettre soit au champ droit ou comme frappeur de choix. Et ensuite, déplacer le voltigeur de droite au champ centre. Ouais. Mais moi, je ne détresserais pas voir Pilar, qui est joueur autonome, revenir dans le giron des Blue Jays. OK. Comme voltigeur de centre défensif. Ben oui. Ouais. Ouais. On parle d'Incarnation également. Ça me surprendrait, ça. Oui, OK. Ouais, parce qu'au premier but, c'est évident qu'on a des points d'interrogation. Il y a un jeune homme là, qui a donné des mais je sais pas si c'est la solution. Mais si on ramenait Hernandez comme frappeur de choix, ouais. Ben on permettrait aux jeunes de pouvoir évoluer à tous les jours et de polir son jeu en défensive et améliorer son attaque, réduire le nombre de ses retraits sur 3 prises. Les lanceurs ont été vraiment la déception, mais je veux dire le gros problème. Au moment où on parle, on a signé Tanner Roark, qui est un lanceur de 5, ça peut-être un 2 ou un 3 dans une rotation, mais on a fait le plein de lanceurs. C'est ça qu'on a besoin. Écoute, il y a des jeunes qui poussent, mais qui sont pas prêts pour les majeures. Et dans le moment, je pense qu'on est en train de bâtir quelques bons releveurs. Moi, j'aime bien leur personnel qui pousse, là. Ouais. Mais il va falloir attendre à 2021, je pense, avant de les voir percer. Les Nate Pearson, les Anthony Kay, c'est oui, exactement. Les Ryan Barucki, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, qu'il va faire le retour de Ryan Barucki. Il y a Matchmaker qu'on parle pas beaucoup, mais. Ah, ben oui, mais ça, ouais. C'est un point d'interrogation. Il a été blessé. Mm. Mais s'il reprend où il était l'an dernier. Lorsqu'il a été blessé, là, ouais. Je veux dire, on vient de trouver son numéro 1 ou son numéro 2. Ouais. Le retour des expos, comment tu as trouvé ça en 2019? Ben, il n'y a aucune surprise. Ouais, OK. Écoute, on attend toujours ce qui va se passer avec les Rays. J'aurais souhaité que ça progresse davantage. Bon. Mais, tu sais, on peut pas mettre la charrue en avant des bœufs, comme on dit. Non. La ville de Saint-Pétersbourg ne veut absolument pas bouger pour adoucir la facture en cas de bris de bail. Mm. Alors, tu sais, ils sont pris jusqu'en 2027. Là, c'est une facture d'une vingtaine de millions. Mm. Évidemment, la solution idéale, en ce qui me concerne, moi, ça serait que le fonds de secours du baseball majeur dise... la ville de Saint-Pétersbourg, bon, vous voulez pas bouger, vous voulez pas construire de stade, blablabla. Bla. Mm. Voici les 20 millions et on va déménager le club. Oui, c'est ça qui va. J'espère qu'on n'attendra pas en 2000. Ça me surprendrait. Oui, j'espère qu'on n'attendra pas en 2000. Il y a un joueur que je veux te parler d'un joueur qui a été incroyable cette année, c'est Peter Alonso avec les Mets de New York. Oui, il n'a pas gagné la recrue de l'année pour rien. Incroyable. Ça a été. Vraiment une révélation. On savait qu'il était bon frappeur, mais pas à ce point-là. Mais il faut pas oublier Yordan Alvarez avec les Astros aussi. Mm. C'est un gars des Dodgers, ça. Oui. Abraham Toro également, qu'on a vu des majeurs. Trop brièvement. J'ai hâte de voir quel rôle on va lui réserver pour la saison 2020. Mm. On parle de plus en plus d'en faire un joueur polyvalent. Ouais. Je sais pas, évidemment, lui, il dira pas non parce qu'il va avoir sa place au soleil. Ouais. Mais, c'est les joueurs polyvalents, c'est vrai qu'avec les nouveaux règlements dans le baseball majeur et l'ajout d'un 26 joueurs sur la formation en début de campagne, ça ouvre des portes et surtout à des joueurs polyvalents. Ouais. Mais, évidemment, les joueurs polyvalents, là, tu ne te bâtis pas une réputation. Tu n'iras pas décrocher un contrat de 10 millions par année comme joueur polyvalent. Là. Ouais. Tandis que si tu t'établis comme il faut, soit au premier but, au troisième, à l'arrêt-court, comme voltigeur, ben là, à ce moment-là, tu as plus de chances de décrocher le gros. Là. Une espèce de Brock Holt, une espèce de Benjo Bruce. Oui, c'est ça. Mais Brock Holt, n'entends jamais parler comme joueur le plus utile de son équipe. Non. Même s'il remplit un rôle extrêmement important. Parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un de blessé, ben on le met là. Si on veut donner une journée ou deux de repos à un autre, c'est lui qu'on choisit. Mm. C'est un rôle très important au sein de la formation, mais c'est difficile à négocier lorsque tu t'en vas en arbitrage. Benjo Bruce également, qui était très, très utile à son équipe également. Jacques Experiment, on va faire une pause et on est de retour dans quelques instants. Je vais te demander en terminant, qu'est-ce que tu prévois pour 2020? Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de Jacques Doucet sur les ondes de danradiosport.com. Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2020, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. À toute la population de la MRC de Maria-Chapdelaine, joyeux Noël et bonne année! Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbault-Mississippi, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolboum-Sesny au numéro de téléphone 88-276-6848. On est de retour à Denver. L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 88-276-9383. Retour à danasosport.com, c'est la rétrospective du baseball avec Jacques Doucet. Jacques, tu t'attends à quoi en l'année 2020 dans le monde du baseball? Ben, d'année, je pense que tous les yeux vont être retournés un petit peu du côté des Yankees qui ont mis le paquet en allant chercher Derek Cole. Oui. Mais je pense qu'il leur manque encore quelques morceaux là, pour dire que le championnat de la Ligue américaine est dans leur poche et qu'ils s'en vont en Ligue mondiale. Ouais. 162 matchs, c'est très long. Mais il sera intéressant de voir de quelle façon ça va arriver. Parce que l'an dernier, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils ont été décimés par les blessures et malgré tout, ils ont remporté quoi, 102, 103 victoires. Alors ça a été un fait d'armes. Et maintenant, si tout le monde est en santé, est-ce qu'ils vont en remporter 120? Là, j'en doute. Parce que il y a d'autres équipes dans la Ligue. Là. Peut-être que les Red Sox sont en perte de vitesse. Mais là, les Blue Jays, je pense qu'ils vont mettre les bâtons dans les roues d'un paquet de monde la saison prochaine. Et il ne faut pas oublier les Rays de Tampa Bay. Ouais. Qui ont connu une excellente saison en 2019 et qui ne devraient pas tellement ralentir. La seule chose qui agace dans le cas de Tampa Bay, c'est que les estrades sont toujours vides. Ouais, alors, il serait intéressant de voir de quelle façon le baseball majeur va réagir face à cette situation-là, parce qu'on sait que pour quitter Tampa Bay et briser le bail qui les lie à la ville de Saint-Pétersbourg, ça coûterait tout près de 30 millions. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce qu'à Montréal aussi, on commence à être un petit peu pas tanné, mais on a hâte que ça bouge dans le sens, là. Oui. Et du côté de la division centrale, bien, il sera intéressant de voir si les White Sox de Chicago vont finalement secouer leur torpeur et essayer de montrer des dents un peu. Dans l'Ouest, évidemment, il sera intéressant de voir quelle décision le baseball majeur va prendre en ce qui concerne les accusations de, oui, oui, de trichage des Astros de Houston. Moi, je trouve que c'est un gros show qu'on a fait pour quelque chose qui existe depuis longtemps. Tu vas me dire que l'électronique n'existait pas auparavant. Mais moi, j'ai toujours eu pour mon dire que même si tu dis à un bon frappeur qu'une balle rapide s'en vient, mais si elle s'en vient à 100 000 à l'heure ou à 95 000 à l'heure et qu'elle bouge, est-ce qu'elle va arriver en haut, est-ce qu'elle va arriver en bas, est-ce qu'elle va arriver à l'extérieur ou à l'intérieur? Ben, bonne chance pour la frapper. Alors, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, moi, je me souviens que Claude Raymond me disait que les très bons frappeurs, ils voulaient même pas savoir si on avait décelé dans l'élan d'un lanceur ennemi, quel genre de lancer il allait servir. Des gars comme Hank Aaron puis Eddie Matthews, ils disaient non, moi, je réagis très bien et j'ai mon propre livre à savoir quel genre de tir il va me servir. J'ai pas besoin d'aide extérieure. C'est un peu comme les Pats au football. Hein. On fait... Ah, ben quand tu connais beaucoup de succès, là, ouais, les gens... T'sais, dans le cas des Patriotes, là, oui, il y a eu les histoires de ballons gonflés ou dégonflés. Puis là, il y a eu une histoire qu'il y a une équipe de reporters qui est allée dans le vestiaire des Browns de Cleveland. Ou Les Bengals de Cincinnati. Ouais. Mais tu sais, les Bengals, c'est une des pires équipes dans la Ligue nationale. Est-ce qu'on avait besoin de tricher à ce point-là? Puis risquer de perdre notre premier choix au repêchage, puis risquer de perdre de l'argent, puis risquer de... Ah ouais. Non, moi, je veux dire, je trouve que c'est vraiment monter des choses en épingle. Ouais, du côté de la Ligue nationale, ben je pense que les Mets de New York vont peut-être faire la chaude lutte aux Braves d'Atlanta ou aux Nationals de Washington. Pour dans la division S de la Ligue nationale. Du côté de la Ligue américaine, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les Cubs de Chicago vont faire. Parce qu'ils ont remporté seulement quoi? 83, 84 victoires l'an dernier? Oui, effectivement. Alors, tu sais, ça, c'est une équipe qui est en perte de vitesse. Je ne sais pas de quelle façon on va réagir, si on va aller chercher des gros noms. Je pense qu'on n'est plus destiné à laisser partir des gros noms et peut-être entamer avec le départ de Joe Maddon, une période de reconstruction du côté des Cubs de Chicago. Et finalement, dans l'Ouest, ben, écoutez, les Dodgers vont toujours être là. Et il reste à savoir si les Giants, avec la perte de Bumgarner, Bruce vont Boucher réussir aussi à compter ça ou quoi. Bruce Boucher aussi, qui est un excellent gérant. C'est quand même quelqu'un de... Ah oui. Écoute, c'est une période qui va être difficile, ça, du côté des Giants. Ouais. Ouais. Mais je pense que les Dodgers sont encore là. Évidemment, je ne sais pas ce qui va arriver du côté des Diamondbacks d'Arizona puis des Padres de San Diego. Il y a peut-être... Écoute, d'ici le début de la saison, ouais, là, il va se passer encore beaucoup d'eau qui va couler sur le pont. Effectivement, puis il y a un gars comme Josh Donaldson qui n'a pas signé encore. J'ai hâte de voir où va aller. Les Nationals... Moi, il va retourner à Atlanta, moi. Oui, effectivement. Jacques, je te souhaite une bonne année, beaucoup de santé, de bonheur, surtout de prospérité en 2020. La santé surtout. Et, oui, monsieur. Au plaisir de se reparler en 2020. Parfait. À la prochaine année. Voilà. Puis salut tout ton monde dans votre beau coin de pays. Parce que c'est un coin de pays que j'adore visiter. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas allé. Là. Effectivement. Notre collaborateur, Jacques Doucet.